13h, c'est le moment de suivre le journal en français. Le journal est essentiellement consacré au lancement de la campagne électorale de mai 2020. Le journal a été préparé par la synergie des médias. La mise en onde est assurée par Jean-Marie Bouguera. Le journal est co-présenté par Mireille Kanyangé et moi-même, Anissé Nyonkourou, Anne-Marie Kouboyo est à la réalisation de ce journal. Eh bien, c'est, vous venez de le dire, c'est la synergie des médias. Début ce lundi 27 avril de la campagne électorale pour les élections du 20 mai. Vous le savez, c'est un triple scrutin. Il y a les présidentielles, les législatives et les communales. Selon le décret présidentiel de samedi 25 avril, cette campagne électorale se déroule du 27 avril au 17 mai de cette année. Et pour les élections du 20 mai, sept candidats concourent au fauteuil présidentiel. Il s'agit de quatre partis politiques, une coalition et deux indépendants. La synergie des médias a mobilisé des envoyés spéciaux dans différents coins du pays pour couvrir cette campagne électorale en province Gitega. Il y a le parti CNDD-FDD en province Ngozi, il y a le parti CNL, le parti Uprona est en province Mwaro, la coalition Kiraburundi est en province Muramvya, le parti Sawanya Frodebu en mairie de Bujumbura, ainsi que le candidat indépendant Dieudonné Nahimana pour ce lundi, alors que de son côté, le candidat indépendant Francis Rohiro débute sa campagne demain. Cette campagne électorale, vous le savez, débute dans un contexte de la pandémie du coronavirus dans le monde et au Burundi. Nous le disions tout à l'heure, la campagne électorale de mai 2020 va durer 3 semaines depuis ce lundi 27 avril, chaque fois de 6h à 18h. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Pierre Kavekadzihise, rappelle les consignes du déroulement de la campagne. La campagne électorale va se passer pendant 3 semaines, du 27 avril au 17 mai 2020. Les activités de campagne ont lieu à partir de 6h du matin à 18h le soir. En dehors de ces heures-là, la campagne est interdite. Qui participe à la campagne? Qui va mener la campagne? Il s'agit exclusivement des partis politiques, des coalitions des partis politiques et des indépendants dont les candidatures ont été acceptées par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections du président de la République, des députés et des conseillers communaux. Cette campagne se fait à travers des discours, des messages lus, chantés ou proclamés publiquement, des affiches, des réunions et, n'est-ce pas, par voie de presse. Et bien sûr, les partis politiques, les coalitions et les candidats indépendants peuvent utiliser les médias de l'État. Et en ce qui concerne les affiches, des emplacements spéciaux sont réservés à l'affichage et les candidats vont s'adresser aux commissions électorales communales indépendantes. C'est vrai, la propagande est libre, mais sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions légales et réglementaires sur les réunions publiques. C'est-à-dire que toute réunion sujette à une déclaration préalable auprès de l'administrateur communal au moins 24 heures à l'avance. La campagne étant libre, il est interdit quand même de procéder à des déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des autres candidats. Il est également interdit de chercher à influencer le vote, notamment par des dons et autres libéralités. De même, l'utilisation des biens ou moyens de l'État ou moyens publics est interdit. Il est également interdit de distribuer pendant les heures de service, sur les lieux de travail, tout document ou tout autre support de propagande électorale. Et bien sûr, il est interdit de procéder à cette distribution de documents dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés. Toute forme de propagande est interdite dans ces lieux. Et bien sûr, la campagne va se terminer le 17 mai, c'est-à-dire qu'après le 17 mai, il sera interdit d'arborer, de porter les insignes des partis, des coalitions de partis ou des indépendants qui vont participer dans les élections. Pierre Clavera Kazihi, c'est président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et le code électoral précise les sanctions qui seront infligées à quiconque commettra des infractions électorales antérieures, concomitantes et postérieures aux opérations de vote. Le point avec Anse Nyonghuru. Pour les infractions électorales antérieures aux opérations de vote, le Code pénal, en son article 218, prévoit une peine allant de 15 jours à 3 mois et une amende de 200 000 à 400 000 francs burundais ou de l'une de ces peines seulement à toute personne qui se fera inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, se fera inscrire sur deux ou plusieurs listes, ainsi que tout agent public qui fera la propagande pendant les heures de service et sur les lieux de travail. La même sanction sera infligée à quiconque, à l'aide des moyens frauduleux, fera inscrire ou rayera indûment un électeur. Si le coupable est fonctionnaire, agent de l'ordre ou de l'administration, la peine sera portée au double. Il en est de même pour tout agent électoral qui, par son comportement, compromettra l'élaboration du fichier électoral à l'aide des moyens frauduleux. Une amende de 800 000 à 4 millions est également prévue pour des infractions relative à toute propagande en dehors de la durée légale de la campagne électorale, tout propos diffamatoire ou injurieux à l'encontre des autres candidats, toute destruction d'affichage régulièrement apposé, ainsi que l'utilisation des biens et les moyens de l'État à des fins de propagande. Une peine de servitude pénale d'un an à 3 ans et d'une amende de 800 000 à 8 millions ou de l'une de ces peines seulement sera rendue à quiconque par des dons en argent ou en par des promesses, des faveurs d'emploi public ou privé ou d'autres avantages influencera ou tentera d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, soit directement ou indirectement. Les mêmes peines sont prévues pour celui ou celle qui, par les mêmes moyens, tentera d'appeler un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Et pour les infractions électorales concomitantes ou postérieures aux opérations de vote, l'article 223 parle d'une servitude pénale de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 200 000 à 400 000 francs burundais ou de l'une de ces peines seulement qui sera infligée à tout individu aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit. Il en est de même pour quiconque aura voté plus d'une fois au cours d'une consultation électorale, portera ou arborera tout signe distinctif d'un parti politique, coalition des partis politiques, d'un candidat ou d'une liste de candidats le jour du scrutin. L'article 227 punit également d'une servitude pénale d'un an à 3 ans et d'une amende de 400 000 à 800 000 francs burundais ou l'une de ces peines seulement, tout agent électoral aura soustrait, ajouté ou altéré un ou plusieurs bulletins pendant le scrutin. Celui qui se présentera dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée sera puni d'une servitude pénale d'un an à 5 ans et d'une amende allant de 800 000 à 400 millions ou de l'une de ces peines seulement. Les articles 229 et 230, quant à eux, prévoient des peines allant des mois à 5 ans et des amendes allant de 400 000 à 2 millions à quiconque tentera ou troublera les opérations de vote. Une peine de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 800 000 à 4 millions ou l'une de ces peines seulement sera aussi infligée à tout agent de la CENI qui aura violé le secret de vote, porter atteinte à sa sincérité, à la sécurité du lieu de vote et du matériel électoral, empêcher le déroulement du scrutin ou altérer les résultats. Merci à Anse Nyonghuru pour tous ces détails. Et à présent, revenons sur la campagne électorale lancée aujourd'hui en commune Bugendana, en province Gitega, où il y a le candidat du parti CNDD et le candidat du parti CNDD-FDD qui a effectué sa campagne. Eh bien, la synergie des médias a dépêché Claudine Irambona. Voici son reportage. Le lancement de la campagne électorale du parti CNDD-FDD se déroule sur la colline commune Bugendana de la province Gitega de la Bunyabanga du CNDD-FDD en qui on a placé confiance dans toutes les collines du pays participent à ces cérémonies. De la Bunyabanga du parti CNDD-FDD en qui on a placé confiance de toutes les collines du pays participent à ces cérémonies ainsi que d'autres Bunyabanga venus d'autres différentes provinces ainsi que venus de différentes provinces ainsi que les environs de Bougendana. Ces cérémonies ont vu également la participation de différents invités, comme les représentants des 27 partis politiques qui ont opté de soutenir le parti CNDD-FDD aux élections, les représentants des confessions religieuses, les représentants de la société civile et certains des diplomates accrédités à Bujumbura. Ici à Bougendana, les mesures ont été prises pour la protection contre le coronavirus. On citera ici les fontaines d'eau qui ont été aménagées pour permettre aux gens de se laver les mains, la disponibilisation de désinfectants, mais la distanciation reste un défi à cause d'un grand effectif présent sur les lieux. Un fait nouveau au niveau protocolaire est que le président de la République et le candidat du CNDD, FDD Evariste Ndayishimiye, baptisé Samuragwa, sont venus ensemble. Il est prévu que le président de la République, en même temps président du conseil des sages au sein du parti CNDD, FDD, prononce son discours en premier et va suivre le discours du candidat du CNDD, FDD au présidentiel Evariste Ndayishimiye. Vous saurez que des chansons comme Nguyo Samuragwa, Bajinjibure, Vave Mundira, qui chantent la bravoure du candidat du CNDD, FDD, se font entendre sans cesse. Depuis la commune Bougendana de la province d'Itega, Claudine Irambona pour la synergie des médias. Merci Claudine. Le candidat à la présidentielle du parti Prona, Gaston Sindimo, a lancé sa campagne en province de Moaro. La synergie des médias y a dépêché Jérôme Bendereimana. Il nous donne plus de détails. En province de Moaro, la campagne électorale a commencé ce lundi 27 avril 2020. Les Vadasigana sont rassemblés autour de leur candidat au présidentiel, Gaston Sindimo. Cinq partis politiques, CNL, CNDD-FDD, IPRONA, FRODEWU et FNL, la coalition Kira Burundi et deux indépendants, Francis Lohero et Dieudonné Nahimana, sont en compétition en province de Moaro. Trois partis politiques ont pu aligner les candidats pour toutes les élections. En province de Moaro, les gens qui ne sont pas dans le même parti politique ont été caractérisés par une cohabitation pacifique pendant la période de pré-campagne. Selon les personnes interrogées, les populations de Moaro demandent aux candidats de prendre des mesures de renforcement de la sécurité, des mesures concrètes de développement agricole et l'enseignement de qualité. Des mesures prises contre le coronavirus ont été prises, notamment le lavage des mains à l'eau potable et au savon, ainsi que les autres mesures d'hygiène. Jérôme Ndirimana, depuis Moaro, pour la synergie des médias. Le candidat de la coalition politique Kira Burundi a lancé sa campagne en province de Muramvya. Audace Ndayize est en ligne. Il nous fait le point. Bonjour Audace. Bonjour Amissé. Comment est-ce que la campagne électorale s'est déroulée en province de Muramvya par la coalition Kira Burundi? Ce que je veux tout d'abord préciser, c'est que la coalition Kira Burundi va battre campagne à partir de cet après-midi. Alors, monsieur, Anissé, d'après Réimo Halimongu, il est président de la commission électorale provinciale de Muramvya. Cinq partis politiques, à savoir le parti CNDD-FDD, IKONA, CNR et Sawanya Frodebu, vont battre cette campagne qui a débuté aujourd'hui, lundi. Mais également, en plus de ces formations politiques, il y a également, comme je venais de le dire, la coalition Kira Burundi, qui va également battre campagne. Je vous ai dit que cette campagne va commencer cet après-midi. Et autre chose à signaler, ce sont peut-être les effectifs, c'est que dans la province de Muramvya, les électeurs sont au nombre de 169 636 électeurs avec 524 bureaux de vote. Voilà un peu de mots, messieurs, ce que je peux dire jusqu'à maintenant. Merci, Audace, pour toutes ces précisions. Eh bien, après Audace Ndayizeye qui est en province Muramvya pour le compte de la synergie des médias, en province Muramvya où il y a le candidat de M. Ndayizeye pour la coalition Kira Burundi. Revenons à mairie de Bujumbura. Eh bien, la synergie des médias a dépêché Aïdara Hakizimana, spécialement en commune Ntahangwa. Il est au studio avec nous. Aïdara, quelle est l'ambiance? Oui, effectivement, j'ai été dans la commune Ntahangwa ou dans les rues de la capitale, surtout dans cette commune. On a vu des jeunes vêtus des habits ayant les insignes de leur parti. C'est entre autres les membres du parti CNDD-FDD, les membres du parti CNL, les membres du parti CDP et les membres du parti Frodebou qui se dirigeaient dans les endroits prévus pour les rassemblements dans le compte de lancer leur campagne. Le parti Saonia Frodebou a choisi de lancer sa campagne sur le terrain se trouvant dans la commune Kina, dans la zone Kinama, pardon. Nous sommes dans la commune Nahang. Selon un candidat député pour le compte de ce parti que nous avons trouvé sur place, en train d'aider dans les préparatifs du lieu, il nous a signalé que le président du parti, Pierre Kavere Nahimana, ainsi que Léon Senge Ndakumana, qui est candidat président pour le compte du parti Saonia Frodebou, seront présents dans cet endroit et auront l'occasion de communiquer le projet de société du parti Frodebou qui soutiendra sa campagne. Entre autres endroits visités, c'est notamment la salle dans laquelle le parti CDP prévoit lancer sa campagne cet après-midi. Le parti CDP va faire campagne dans les deux provinces, à savoir Bururi et Bujumbura Mairie. Signalons que le parti CDP n'a pas de candidat président. Probablement que le président de ce parti, Anissé Nyongou, va communiquer à ses membres qu'ils vont élire parmi les candidats présidents pour le compte des partis et des coalitions qui ont eu la permission d'être candidats présidents. Merci. Merci Aïdala, le candidat indépendant à la présidentielle. Dieudonné Nahimana a effectué sa campagne électorale à la mairie de Bujumbura dans la commune Mura. Il a précisé que le Burundi a besoin des leaders qui œuvrent pour l'intérêt de tous les citoyens. La dignité, l'accès à un logement décent et la cohabitation pacifique font partie de son projet de société. Charles Makoto a suivi le déroulement de la campagne. Il nous fait le point. Dans le but de promouvoir la dignité humaine, le candidat indépendant Dieudonné Nahimana compte passer par la promotion de la liberté de mouvement pour tous et la promotion de la vérité sur le passé dans le but de réconcilier les Burundais avec l'histoire du passé caractérisée par les violences répétitives. Le candidat Nahimana Dieudonné compte valoriser la culture burundaise par la construction d'un centre culturel moderne et la création de l'école de la culture. Pour ce qui est du logement, le candidat indépendant Dieudonné Nahimana fait savoir qu'il va favoriser l'accès à un habitat décent à un faible coût. Sur le plan sanitaire, Dieudonné Nahimana dit qu'une fois élu, il fera sien la santé maternelle par la prise en charge complète de la femme enceinte jusqu'à la naissance. La promotion de l'agriculture passera, selon le candidat Dieudonné Nahimana, par la valorisation des terres arables et le renforcement des capacités des moniteurs agricoles. La conception du leadership passera par la mise en place d'un leadership serviteur et une fois que le candidat Dieudonné Nahimana sera aux commandes après les élections de 2020. Son projet de société se résume sur 7 points et le lancement officiel de sa campagne se passe par une caravane qui a commencé à partir du siège de la Fondation Dieudonné Nahimana, sise en commune urbaine de Mura. Vous saurez qu'actuellement, nous sommes à Kanyosha, près du marché de Kanyosha, où le candidat indépendant Dieudonné Nahimana est en pleine campagne. Merci à Charles Makoto et bien de la mairie de Bujumbura en commune urbaine de Mura. Rendons-nous en province Bubanza où la synergie des médias a dépêché Stanina Hayo. Stanina Hayo, vous nous entendez? Stani? Vous nous entendez, Stani? Après une courte pause. We'll be right back. synergie des médias a dépêché en province d'Ngozi Jonas Mashurushuru, où le candidat du parti SNL a lancé sa campagne, l'honorable Agathon Rwasa. Jonas Mashurushuru, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends parfaitement. Oui, est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qui a marqué la campagne électorale d'Agathon Rwasa? Oui, le parti SNL d'Urguasa Agathon a bâti campagne en province de Ngozi et la campagne a débuté par un défilé qui a conduit les membres du parti SNL au stade de Domremera à partir de la localité d'Iteche Hambari à la route qui mène vers la province de Muyinga. C'est donc au stade où vont se dérouler les cérémonies proprement dites de lancement de cette campagne électorale. Selon les autorités provinciales et policières en Ngozi, cette campagne se déroule au moment où la sécurité et la cohabitation entre les formations politiques sont au bon fixe en cette entité administrative. Selon OPC de Edouard Moukoko, commissaire provincial en Ngozi, différentes stratégies ont été mises à contribution en vue du renforcement de la bonne cohabitation. Il s'agit entre autres des réunions regroupant les responsables des formations politiques, l'administration et les forces de l'ordre, et cela en vue de pouvoir échanger souvent et de juguler tout ce qui porterait entorse à la bonne cohabitation entre les formations politiques ainsi qu'à la sécurité. Des compétitions d'athlétisme et de football ont été également organisées en vue de rapprocher davantage les membres des différentes partis politiques. Aussi, nous a-t-il confié, les jeunes du parti CNDD-FDD et ceux du CNL ont cultivé ensemble un champ de maïs pour les amener à comprendre qu'il y a lieu de conjuguer les efforts pour se développer au lieu de se rentrer des dents. Sur notre route vers Ngozi, les membres des partis CNDD-FDD et CNL attendaient ensemble les véhicules pour se rendre au lieu de campagne. Les uns et les autres se saluaient à leur passage, ainsi que dans différents restaurants du centre urbain de Ngozi. Signalons que les mesures de prévention contre le coronavirus n'ont pas été reléguées à l'arrière-plan au lieu de campagne. Jonas Mashurushuru, depuis Ngozi, pour la synergie des médias. Merci à Jonas Mashurushuru. Il est 13h22 dans les studios de la Synergie des médias. Eh bien, c'est une vingtaine de radios émettant sur le territoire national qui se sont mises ensemble pour la couverture de la campagne électorale qui a débuté ce lundi 27 avril pour se clôturer le 17 mai. Eh bien, on a le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Bougnoni, qui appelle les concurrents politiques à éviter des propos diffamatoires pendant cette campagne. Il recommande également aux forces de l'ordre de faire preuve de professionnalisme dans la sécurisation du processus électoral. Le ministre Bougnoni rassure que la sécurité est au bon fixe pendant cette campagne. Suivez. Mon premier message aux politiciens, à ceux qui vont se faire élire, aussi bien à ceux qui vont élire, effectivement, c'est d'être caractérisés par l'amour de leur pays. Car en effet, celui qui se caractérise par le patriotisme, qui aime son pays, va aussi travailler en se référant aux lois et règlements qui régissent ce pays. Il va non seulement respecter les lois et règlements, mais aussi il va respecter ses confrères, ses consoeurs, il va respecter l'être humain, il va respecter le Burundais comme lui-même ou toute autre personne qui habite notre pays. Deuxièmement, nous leur demandons la sagesse qui s'inspire effectivement de notre culture. Les Burundais ont toujours été posés, calmes et sages, et de se rassurer eux-mêmes que ces élections ne sont pas seulement des élections des Burundais, mais que c'est une occasion propice que le Dieu Tout-Puissant, lequel Dieu et les Burundais ont mis devant eux dans chaque action, une période électorale sereine, très différente, très spéciale, très apaisée par rapport aux autres périodes électorales que nous avons passées, d'aller dans ces élections de façon posée, avec plus de confiance quant au déroulement pacifique, quant au début et à la fin de ces élections, qui doit consacrer la victoire du pays et non pas la victoire des politiciens. Nous l'avions déjà dit que la campagne électorale se déroule dans un contexte de coronavirus. Bien, les mesures d'hygiène pour lutter contre cette pandémie restent donc de mise pendant cette période de campagne. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Tadeni Kumana, parle notamment du lavage des mains à l'eau propre et au savon. On l'écoute. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle les populations à rester sereines, à vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective, notamment se laver les mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Éviter de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant. Tousser ou éternuer dans votre manche ou utiliser un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée, puis nettoyez-vous les mains. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère sa demande récente à la population à ne pas se fier aux rumeurs et surtout à se garder de les relayer via les réseaux sociaux ou autres supports de communication. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à toute personne ayant été en contact avec un cas testé positif et ne présentant aucun symptôme du COVID-19 de s'estreindre à l'auto-quarantaine à la maison. En cas d'apparition des symptômes, consultez la structure de soins la plus proche ou appelez au numéro vert 117. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel à la population que le port des masques est réservé aux personnes infectées par le COVID-19 et aux personnels de santé chargés de la prise en charge de ces dernières. Enfin, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida adresse ses remerciements et encouragements aux personnels de santé qui sont en première ligne jour et nuit pour lutter contre le COVID-19. Voilà, chers auditeurs, il est 13h26, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également Jean-Marie Bouguera pour la bonne collaboration technique. Je remercie également Kouboaïo Marie qui a bien managé ce journal, sans oublier bien sûr ma consoeur Mireille Kanyangé pour la bonne co-présentation. Merci Anseigne Nguru, pour c'est un plaisir partagé. Merci. Teka mu bikogwa wa mutera imbere nk'umuzinga zo kwibuka iminsi yose ko ari wewe wanyibarutse wampaye kujya no kuryama niwe buhibwe bwanje nagukunda Burundi gihugu cy'amavukiro ndeka ndakwigira gure pe mwiza uraniteka Nagukunda Burundi, kihugu chamavukiro, dekanda kwigina gure, pe mwiza oraniteka. Nagukunda Burundi, kihugu chamavukiro, dekanda kwigina gure, pe mwiza oraniteka. Nagukunda Burundi, kihugu chamavukiro. Nekanda kwiki na gure, pemiza ora niteka. Tuame turamu kanya, tukamezu mubano, tukumezu dinama, tukamezu mubano, tukamezu namari mwe. Kano wachu kupa kuba sokuru bashigikiye ya kusikiliza ni Radio Burundi. Leo ni muungano wa radio zaidi ya 20 zimekuja pamoja kuwaletea utaratibu mzima wa kampeni ya uchaguzi inavyoendelea kote nchini ambayo imeanza rasmi hii leo. Mimi naitwa Hamida Isa, naye hapa studio mgeni, karibu. Asante, na jina langu ni Balin Havyarimana, karibuni. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, maripota kutoka maeneo mbalimbali ya nchi tutawaletea taarifa kamili kuhusiana na kampeni ya uchaguzi. Kichwa cha habari ni habari moja pekee hii leo. Aprili 27 ndipo imezinduliwa rasmi kampeni ya uchaguzi wa urais wa wabunge na ule wa madiwani utakaofanyika Mei 20 kulingana na sheria ya kiraisi iliyosainiwa juzi tarehe 25. Kampeni itafanyika kwa muda wa siku 20 kuanzia leo hadi Mei 17, siku tatu kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Wagombea nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi huu watajitupa uwanjani kufafanulia raia miradi yao kila siku tangu saa 12 asubuhi hadi 12 jioni. Kwenye uchaguzi wa urais wameorodheshwa wagombea 7, ambapo 4 ni kutoka vyama vya siasa ikiwa ni pamoja na CNDD-FDD, SNEL, Sawanya Frodebu na chama Iprona. Wagombea huru ni wawili na mgombea mmoja kutoka muungano Kira Burundi. Vyama vya FNL inaongozwa na Jacques Bigirimana pamoja na APDR, muungano wa Kopa na Iprone inayoungwa mkono na Isidore Mbayahaga ziliamuru kumpigia kura Evariste Ndayishimiye, mgombea wa chama CNDD-FDD. Na katika kampeni hii ambayo imezinduliwa Jumatatu ya Aprili 27, sheria inabaini kuwa huanza saa 12 asubuhi na kumalizika 12 jioni. Yanafahamishwa na mkuu wa tume huru ya uchaguzi seni Pierre Claveri Kazihise. Mkuu wa tume huru ya uchaguzi anasema wagombea watakiwa kuheshimisha kanuni za kampeni na haswa kujilinda matusi na kashifa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Ashel Niongere. Kampeni zinaruhusiwa tangu Aprili 27 na kumalizika Mei 17. Kampeni huanza saa 2 asubuhi hadi 12 jioni. Ni marufuku kuendesha kampeni baada ya muda huyo. Ni akina nani wanaoendesha kampeni? Ni vyama, miungano ya vyama na wagombea huru waliokubaliwa kushiriki uchaguzi. Waliokubaliwa kushiriki uchaguzi wanaweza kuwasilisha ujumbe, nyimbo na wakatumia mabango, ima wakaendesha mikutano ya hadhara, wakatumia vyombo vya habari, ima vingine vitu vinavyoonyesha vyama, ima miungano ya vyama, ima wagombea huru. Kuhusu mabango, wagombea huomba tume huru ya uchaguzi ngazi ya tarafa ili waonyeshe wapi kuweka mabango. Sheria inaruhusu kuendesha kampeni, ila matusi, kashfa katika hali yoyote ni marufuku, na kampeni lazima kuheshimisha usalama wa wote. Mikutano ya hadhara inafanyika, ila mikutano hiyo lazima iheshimishe sheria. Ni kusema kuwa lazima viongozi hususan mkuu wa tarafa apewe taarifa kuhusu mkutano huyo wa hadhara siku moja kabla ya kuendesha mkutano huyo. Wakati wanaoomba sehemu za kuendeshea mikutano hiyo wanafanya hivyo. Kutoa ruhusa kwa viwanja hivyo kunakuwa rahisi sana, sababu viongozi hufuatisha orodha ya jinsi walivyoomba viwanja kwa kuendeshea mikutano hiyo ya hadhara. Ni marufuku kutoa zawadi ima misaada ili upigiwe kura. Haya na yanaambiwa wanaopiga kampeni ili wachaguliwe. Ni marufuku pia kutumia mali ya serikali kipindi cha kampeni. Ni marufuku kuendesha kampeni kazini, mida ya kazi. Kampeni zitakapomalizika, yani Mei 17, itakuwa ni marufuku kuvaa nguo ima kitu chochote kina ishara ya wagombea. Bizoba bibujijwe gusubira kwambara impuzu canke ibimenyetso vyabitoza. Namna sheria inayoratibu uchaguzi imepanga adhabu na faili kwa wale wote watakaokwenda kinyume na utaratibu wa sheria wakati wa kampeni na hata wakati wa uchaguzi wenyewe. Adhabu hizo ni pamoja na kufungwa jela, aidha kutozwa faini kwa watakaoendesha kampeni maeneo ya kazini. Aidha, wafanyakazi wa seni atakayejaribu ama kwenda kinyume na majukumu yake katika kuhesabu kwa kuzidisha ama kupunguza. Zaidi juu ya vifungu mbalimbali vya sheria hiyo juu ya uchaguzi na Gregoire Nichimbere. Vipengele hivyo vya adhabu vimetungwa kwa kuzingatia makosa yanayoweza kutokea kabla na katika zoezi zima la uchaguzi. Miongoni mwa makosa hayo kuna kujiandikisha kwa kutumia majina bandia, kujiorodhesha zaidi ya mara moja, kumfuta mtu katika daftari la wapiga kura bila sababu. Mtu atakayepatikana na hatia kama hiyo atafungwa kipindi cha kati ya siku 15 na miezi mitatu na tatozwa faini ya franka za Burundi kati ya 200,000 na 400,000. Adhabu itaongezwa kama atakuwa ni mfanyakazi wa serikali, tume ya uchaguzi seni au mlinda usalama. Adhabu hiyo imepangwa pia kwa mtu atakayefanyia kampeni kwenye sehemu za kazi au katika muda usioruhusiwa, au pia kutumia mbinu za umma katika kampeni yake. Kifungo ni kile kile, ila faini itapandishwa kutoka kwenye franka za Burundi 800,000 hadi 1,000,000 kulingana na kipengele 218 cha sheria hiyo ya uchaguzi. Adhabu nyingine zimewalenga watu watakaonunua kura kwa pesa wa ahadi za kazi. Hao watafungwa mwaka mmoja hadi miaka mitatu jela na faini ya franka za Burundi 800,000 hadi 1,000,000, sawa na mtu atakayetoa mwito wa kususia uchaguzi. Adhabu hiyo imepangwa dhidi ya makosa mengine kama kuchagua kwa kutumia jina la mtu mwingine. Kuna pia adhabu zilizotengewa mfanyakazi wa tume ya uchaguzi seni ambaye atapatikana na hatia kuharibu kura za uchaguzi kwa kuongeza, kupunguza au kuharibu karatasi za kura. Watu kama hao watafungwa kipindi cha kati ya miezi 6 na miaka 3 na kutozwa faini ya franka kati ya 400,000 na 800,000 au moja kati ya adhabu hizo mbili. Adhabu kwa mfanyakazi wa seni itakuwa kali zaidi ikiwa tatangaza matokeo ya uongo au kuzagaza matokeo hayo kabla ya wakati. Kifungo kitakuwa kati ya miaka 5 na miaka 10 na faini ya 800,000 hadi 1,000,000 kwa mjibu wa kipengele cha 232 cha sheria hiyo ya uchaguzi. Ama mtu atakayepatikana na hatia kuingiza silaha katika chumba cha kupigia kura atakabiliana na kifungo cha mwaka mmoja hadi miaka 5 jela na faini ya franka kati ya 800,000 na 1,000,000. Shukran ni Jimbere kwa ripoti hiyo. Na sasa tuteremke maeneo mbalimbali ya kampeni. Kwenye siku hii ya kwanza ya kampeni, mgombea wa chama CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ameteremka katika tarafa ya Bugendana mkoani Gitega kati mwa nchi. Claudine Irambo na mwandishi wa muungano wa radio aliye huko Gitega ameripoti kuwa wafuasi wengi wa chama hicho wameitikia kampeni hiyo wakivalia t-shirt zenye nembo ya chama zikiandikwa tumpigie kura Evariste Ndayishimiye. Wamehudhuria pia wafuasi wa vyama vya FNL, muungano wa Kopa na wale wa Iprona inayoelemea Isidore Mbayahaga. Wawakilishi wa dini za Katoliki na wale wa Kiislamu pia wamehudhuria kampeni hiyo huko mkoani Gitega. Na wakati huyo huyo ni kwamba mwakilishi wa chama CNL katika kiti cha urais Agathon Rwasa amezindua kampeni tarafani Ngozi mkoani Ngozi. Mwandishi wetu wa muungano Mashurushuru tuko naye kwenye line ya simu. Mashurushuru, hali inajiri hapo iko vipi? Hapa katika mkoa wa Ngozi chama cha CNL cha Rwasa Agathon kimeanzia kampeni yake, maana kampeni ya uchaguzi hapa katika mkoa wa Ngozi ambapo ni chimbuko la Rwasa Agato aliye mgombea wa chama hicho. Na kampeni hiyo imeanzishwa na gwaride ya wafuasi wa chama hicho CNR, na gwaride hiyo imeanzia eneo kunakoitwa kwa Hambari kwenye barabara iendayo mkoani Muinga kutoka mkoani Ngozi, huku wafuasi wa chama CNR wakielekea kwenye uwanja wa soka wa Muremela ulio mjini Ngozi, na huko ndiko kutatolewa hotuba kemkem zihusianazo na kampeni hiyo. Kwa mujibu wa viongozi tawala na taasisi za polisi katika mkoa wa Ngozi, kampeni hiyo ya uchaguzi imeanza wakati hali ya usalama na uhusiano baina ya vyama vya kisiasa ni bora katika mkoa huo, na hivyo kutokana hasa na mbinu mbalimbali zilizoweza kutumiwa. Na mbinu hizo ni sawa na mikutano ama vikao vya kujadili kuhusu hali ya usalama na uhusiano baina ya vyama vya kisiasa ili kuweza kulipatia ufumbuzi tatizo lolote linaloweza kuwa kikwazo ama kipinga ama kupiga kipingamizi kwa mchakato huu wa uchaguzi. Kuliandaliwa pia mashindano ya mpira wa miguu ama mazoezi ya kunyoosha misuli yaliyokuwa yakijumuisha vyama vya kisiasa, kama alivyoweza kutuelezea kiongozi wa taasisi ya polisi mkoani Ngozi Eduardo Mukoko. Pia vijana wafuasi wa chama CNDD-FDD katika mkoa wa Ngozi pamoja na vijana wa chama CNR waliweza kupanda pamoja shamba la mahindi ili kuonyesha kwamba waweza kutumia nguvu zao kujiendeleza badala ya kujihusisha na vitendo vya uharibifu. Na asante sana kwamba mashurushuru dhahiri kilicho dhahiri ni kwamba kwenye barabara mbalimbali tulipoweza kupita wafuasi wa vyama hivyo viwili walikuwa wakisalimiana, huku baadhi yao wakielekea kwenye maeneo mbalimbali hapo anzishwa kampeni ya uchaguzi huo. Naam, asante sana mashurushuru, tutakuwa nawe tena jioni. Naam, hayo yakiarifiwa, mgombea kiti cha rais anayewakilisha chama UPRONA Gaston Sindimo amezindua kampeni mkoani Mwaro. Ni wakati mgombea wa muungano Kira Burundi, rais wa zamani Domitien Ndayizeye, ameteremka katika mkoa wa Muramvya, huku mgombea wa kiti cha rais kupitia chama Sahwanya Frodebu Leon Singenda Kumana anazindua kampeni katika kata ya Kinama ni mjini hapa Bujumbura. Na mwenzetu Aidala Hakizimana amezuru maeneo tofauti katika tarafa ya Nahangwa katika siku hii ya kufunguzi wa kampeni. Tuko naye hapa studioni. Haidala, hali ilikuwa vipi? Naam, asante sana. Kabla ya kufahamisha yale ambayo nimeyashuhudia, ni kuambia kwamba chama cha Frodebu pamoja na wagombea huru ambao ni Diodone Nahimana na Francis Roero ndio wameamua kuzindua kampeni yao hapa mjini Bujumbura pamoja na chama cha CDP ambacho kitagombea katika mikoa ya Bujumbura Manispa na mkoani Burundi. Na katika maeneo ambako nimepitia, nimekuta maandalizi ya mikutano ya hadhara ikiendelea. Nimewasili kwenye uwanja wa Kinama ambao uko karibu na ofisi ya zone ya Kinama ambako chama cha Frodebu kitaandaa mkutano wa hadhara. Mgombea ubunge ambaye nimemkuta katika maeneo hayo akitayarisha uwanja amefahamisha kuwa baadaye kutakuwepo mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha hicho Frodebu Leon Sengena Kumana na mwenyekiti wa chama hicho Pierre Claver na Himana, ambao watapata fursa ya kufahamisha miradi ama sera ya chama hicho ambayo itakuwa mezani itawasaidia katika kampeni. Sehemu nyingine ambako nimepitia ni ambako kwenye ukumbi ambako chama cha CDP kitazindua kampeni yake. Chama hicho kimeruhusiwa kugombea tu katika mikoa ya Bujumbura na Bururi, na pengine mwenyekiti wa chama hicho Anise Niyonkuru ambacho hakina mgombea kiti cha urais katika mkutano wa baadaye atafahamisha ni nani wafuasi wa CDP watampigia kura miongoni mwa wale wagombea urais ambao waliruhusiwa na tume ya kuandaa uchaguzi seni. Haidala. Wakati huo waziri wa usalama wa raia na kulinda majanga Alengio Mebunyoni anawatolea wito wagombea kujilinda na kauli za uchokozi wakati huu wa kampeni. Ameamuru jeshi la polisi kuheshimu kanuni za kazi kipindi cha kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi. Tumsikilize akitafsiriwa na Fabrice Rugaihi. huko bavuye mu bihe wasanga umutekano ukifashe neza n'imitima y'abantu ihungabana no munsi twaturi mu bihe umutekano kama tulivyopitia kwenye vipindi vya usalama mdogo huku raia wakiwa hawana amani. Leo tukiwa kwenye nyakati usalama umeimarika, raia wakiwa wametulia, hadi waliokuwa wamekimbia nchi sasa wamerejea. Zamani wakati wa uchaguzi, raia wa Burundi walikuwa wakidanganywa na wengine, wakipatwa na hofu hadi kukimbia nchi, lakini leo ni tofauti kabisa. Hivyo watulie, kwa sababu nyakati ni nzuri, pasiwe mwenye ataelewa kinyume. Hapa ninasema utulivu nikimaanisha kwenye habari za uvumi za kusambaratisha raia zikipeperushwa nje ya nchi au hapa nchini na kusababisha Warundi nyoyo zao zipatwe na hofu bila sababu. Kila ujumbe wanaoupata wauchunguze kabla ya kusambaza. Kuna wenye wamezoea kusambaza habari bila kuchunguza. Hivyo habari za mitandao ya kijamii waziepushe. Kila atakayeona ujumbe aanze kuchunguza kama unafaa, una muhimu, kama ni ujumbe wa kusambaza au wa kufuta, kwa sababu kuna ujumbe unaweza kupata ukafuta hata kabla hujausambaza. Cha tatu, tunawaomba waheshimishe sheria za nchi, sababu nchi bila sheria haiwezi kupiga hatua. Yaani wafuatishe sheria kuanzia kwenye korti ya kikatiba hadi kwenye sheria zao za kwenye vyama vyao vya kisiasa, hata kwenye mashirika hayo na hata kwenye jamii. Kwa sababu ukikiuka sheria unakuwa umezidia sheria mwenzako. Cha mwisho, tunaomba kuwa na moyo wa uvumilivu. Tunajua kuna wale wakiona uchaguzi wanafikiria wamemaliza na kufikiria vitu vya kusambaratisha raia, na raia kuwa na hasira baina yao. Hapa ninamaanisha kuchokozana, maana kuna watu wenye tabia ya kuchokozana. Wawe wavumilivu, wawe wenye kauli za matumaini na kauli nzuri. Imvugo ihumuriza kandi imvugo ibereye. Naam, hatutoweza kuhitimisha taarifa hii ya habari pasina kugusia janga la ugonjwa wa corona unaoikera dunia wakati huu. Waziri wa afya Tade amewataka wagombea na hata raia kuzingatia kanuni za afya ili kuepusha janga la COVID-19. Tumsikilize waziri wa afya kikalamatiwa hapa na Haidallah Hakizimana. Karaba na amazi meza ni sabuni. Kunawa na maji safi na sabuni, kujiepusha kusalimiana kwa kushikana mikono, kukumbatiana au kupeana konongo ama kiwiko, kujiepusha kutoa chafya kwa watu walio pembezoni mwako, kujiepusha na uvumi na kusambaza kwa watu waliotoka safarini nje ya nchi au waliokaribiana na mtu mwenye maambukizi ya COVID-19. Wanaagizwa kubaki majumbani kwao au wapige simu nambari isiyolipa 117. Kwa mwenye dalili za virusi vya corona, anaomba kujielekeza kwenye hospitali iliyo karibu naye. Tunakumbusha tena raia wote kwamba kuvaa barakoa inahusu tu wagonjwa. Yule mwenye kushakiwa kuwa ana maambukizi au waganga wanaofuatilia wagonjwa, wengine wote haina haja. Kwa kumalizia, Wizara ya Afya inapongeza na kuwapa nguvu waganga wote na watu wote wanaojitolea usiku na mchana ili afya ya raia izidi kulindwa na kuimarishwa. Tamati ya taarifa ya habari iliyoletwa kwenu na muungano wa redio Kichwa cha Habari ilikuwa ni habari moja pekee: uzinduzi wa kampeni ya uchaguzi wa urais, wa wabunge na ule wa madiwani utakaofanyika rasmi Mei 20. Kampeni hii iloanza leo itadumu takriban wiki tatu, ambapo itamalizika tarehe 17 za mwezi ujao wa Mei, na uchaguzi utafanyika tarehe 20. Balene, hadi hapo tamati. Bila shaka, tukutane kunako majaliwa. Asante. Kwa niaba wote waliochangia kwa njia moja ama nyingine, maripota wote hapa studio mlikuwa na mimi Hamida Isa, nikishirikiana na Balin Habyarimana. Na msimamizi wa taarifa ya habari ilikuwa ni Bi Aisha Irakoze. Kwa niaba wote tunasema shukrani za dhati. Asante. Hello, it's time for the English news brought to you by the Media Synergy. I'm Philemon Hurunziza. I'm with. Morning to you. You have the jingle. This is the Media Synergy, 20 radio broadcaster together to bring to you more about the electoral campaign launched today nationwide for the May 20 elections. That we included the presidentials, legislatives, and the criminal advisors. According to the presidential decree issued on April 25, the electoral campaign will end on May 17, 2020. At least seven candidates run for the presidentials and are from four political parties, and that is from political parties coalition and two independence candidates. The Media Synergy deployed a number of special envoys in all provinces over the country for the electoral campaign coverage. The same day of the day, the Rohingya Party is in Gitega, CNR is in Ngozi province, Uprona Party is campaigning in Imwaro province, the Kira Burundi coalition is in Muramvya, Sawanya Fodibu Party in Bujumbura commercial capital, and the independent Sojujuni Nahimana in the same capital exactly in Muha Kimium. Besides, this electoral campaign is taking place when the world is facing the outbreak of COVID-19 infection. In this news edition, the Health Minister reminds the restrictive measures taken to combat the coronavirus. We welcome you. According to the chairman of the National Independent Electoral Commission, Seni Pierre Claver Kadzihise, The electoral campaign that started this Monday, April 27, 2020, will take an end on May 17, 2020. He underlined that in the news briefing held last Saturday, reminding that activities started at 6 a.m. and will be concluded at 6 p.m. Here is Eline Ben Nivigira. Only political parties, coalitions of parties, and independents whose candidacies are accepted by the Electoral Commission, CENI, for May 20th presidential elections, deputies and communal councillors during the campaign, Pierre Claver Kazihise stressed that speeches, messages, read or sung, meetings could be used without any problem. Even political parties, coalitions and independents may also have access to the state-owned radio with equal broadcasting time. With regards to public notice, the candidate should contact the Independent Communal Electoral Commissions to get further information how to do it. To CENI Chairman Pierre Claver Kazihise, any gathering is subject to prior or advance declaration and be submitted to communal administrators at least 24 hours in advance. It is forbidden to insult people or use defamatory statements during the public gatherings to provocate other candidates. Speaking in Saturday news briefing, he indicated that it is not allowed to use financial means or assets of the state during the campaign. Other things which couldn't be done include no distribution of propaganda documents at a school or during the working hours. He added that after May 17th, 2020, no one will be allowed to wear signs of political parties, coalitions, and others. Eline Ben Nivigira, the electoral code, of course, provides the sanctions to those who will break it. The penal code provisions in its 218 article talks offenses related to propaganda. A fine of 800,000 to 4 million bond francs is provided to offices related to defamatory and insulting utterances. Kandak Jimana for more details. Talking about electoral offenses before elections, the Penal Code in its Article 218 provides that a sanction from 15 days to 3 months and a fine of 200,000 to 400,000 Burundi francs, or one of the two sanctions, are taken for a person who uses false documents to register on more than two lists, or any person who will voluntarily remove a voter. If it is a security army member or an administrative, the sanction is doubled. It is the same to any electoral agents whose behavior can hamper the elaboration of the electoral book using fraudulent ways. A fine of 800,000 to 4 million Burundi francs is also provided for offenses related to propaganda after the legal period of the electoral campaign, defamatory and insulting utterances to others, the use of government properties to conduct propaganda. A 3-year period of jail and a fine of 800,000 to 8 million Burundi francs, or one of the two, is a sanction to anyone who will attempt, indirectly or directly, to influence the vote. The same sanctions are also provided to anybody who will use any means to call voters to abstain from voting. The same code talk about the sanctions provided during and after elections. According to this legal text, a 5 to 10 year jail and a fine ranging between 800,000 to 4 million Burundi francs will be given to a CENI agent who will deliver a vote secret or who will attempt to stop the electoral process. Here's again the report by Gandak Jimana. For the offenses during and after elections, the Article 223 of the Penal Code provides that 15 days to 3 months and a fine of 200,000 to 400,000 Burundi francs is a sanction to individual who will have voted fraudulently. It is the same sanctions for those who will vote twice or will show up distinctive emblems of political parties. The Article 227 of the Penal Code also sanctions electoral agents agents who will subtract or add one or more voting cards during the poll with a jail from 1 to 3 years or pay a fine of 400,000 to 800,000 Burundi francs. Any person who will come to polling station with a weapon will be penalized with a 1 to 5 year jail and a fine of 800,000 to 4 million Burundi francs or one of the two. Articles 229 and 230 provide sanctions from 1 month to 5 years and a fine ranging between 400,000 and 2 million anyone who will attempt to disturb the elections, a 5 to 10 year jail and a fine ranging between 800,000 to 4 million Burundi francs or one of the two is given to any agent who will deliver the vote secret, cause the insecurity of the voting place or will attempt to stop the electoral process or again to modify the voting results. The CNDD-FDD political party started officially its activities for the electoral campaign at Bugendana district in Gitega Central Province for the May 20 presidential elections. Deputies and communal councillors, the militant elected at all villages covering the country, are the members of the party from all provinces, and those who are in the surrounding area of Bugendana took part in that event. The opening ceremonies marking the electoral campaign of the ruling CNDD-FDD party have also seen the participation of 27 other political parties who accepted to support the governing CNDD-FDD party in the May 20 presidential election. Ambassadors accredited to Burundi, representatives of religious confessions and civil society organizations were present to take part to those activities scheduled. According to our reporter in Gitega, Claudine Irambona, all things have been availed there to prevent from the COVID-19 infection, notably fountain taps to wash hands and disinfectant. The problem recorded in that place is the social distanciation because there are many people. The candidate to the presidential elections in the CNDD-FDD party, Evariste Ndayishimiye, is companioned with the Burundi President Pierre Nkurunziza in the official opening of these activities. Gaston Sindimo, who is running for presidentials on the behalf of UPRONA party, was in Mwara province. Our reporter in that administrative entity, Jerome Nderibana, says that campaign activities have already started. And in Muramvya, Burundi coalition's activities or the electoral campaign for the May 20 elections are expected to kick off this Monday in the province, according to a report of Ndayizeye. The Kira Burundi has appointed a former Burundian president, Domitien Ndayizeye, to represent it to the upcoming presidential elections due on May 20, 2020. The head of the Independent Provincial Electoral Commission in Muramvya affirmed that only 5 political parties, Coalition Kira Burundi and Independents, are going to hold their campaigns. Our reporter, Das Ndayizeye, quoted the SIP chairman as saying that the campaign came when the people come. In the whole province, voters expected to participate in the 2020 elections and are estimated at more than 179,000 with 524 polling stations. Agaton Ras, the president of CNL political party, has already launched the activities of the campaign for the upcoming presidential elections. The activities took place at Muremera Stadium in Ngozi province. As said our reporter Jonas Mashurushuru, he added that militants of different political parties peacefully cohabit. You still listen to the media synergy. Activities of the electoral campaign are also expected to kick off in Bujumbura municipality. Our colleague Aidara Kisimana reported that Samaya Fodibu, CNDD-FDD, CNL, CDB plan to organize their campaign in Bujumbura municipality. Samaya Fodibu party is also to open officially its campaign in Kinama in Nahangwa urban commune. Well, Leons Niyongabo, the candidate to the May 20 presidential elections, is to announce the projects of the party. Political actors peacefully cohabit in this period, according to the minister in charge of home affairs. Pascal Barandagie says politicians are now mature enough in politics. He calls on local administration to be impartial and work hard to maintain peace and security in order to have peace, democratic and transparent elections. You're still to listening to the Media Synergy. The Minister for Public Security, Alain Guillaume Mbuyuni, says the security is well preserved in Burundi. Burundians are safe and many refugees are returning in their homes now. In a press conference held this Monday, Alain Guillaume Mbuyuni called on citizens to avoid rumors and fake news on social media and asked them to respect the rules and regulations of Burundi, especially in this electoral campaign. And the Minister for Public Health calls on the population to always preserve serenity during the electoral campaign and keep their daily duties by respecting the measures taken by the Public Health Ministry to combat COVID-19. Dr. Tade Ndikumana says people have to wash their hands with the soap and clean water and respect the social distanciation measures. Minister for Public Health demands also citizens to not listen to rumors or spread fake messages on COVID-19 via social media. Tade Ndikumana asks all people who might have been in contact with those who are tested positive to COVID-19 and asymptomatic to stay at home, and when the symptoms occurs, they are demanded to go to hospital to be checked or call the free number 117 for help. The health ministry added that positive patients and the health care workers are the only ones to put masks. Dr. Tade Ndikumana thanks all people involved in the campaign to combat COVID-19. Some countries from like Italy to New Zealand have announced to easing the coronavirus lockdowns, but Britain's Prime Minister Boris Johnson, back at work on Monday after being hospitalized with the disease, said it was too early to relax the restrictions there. Nearly 3 million people have been infected by the coronavirus across the world, and 205,948 have died. Well, this is the end of the news, Philemon. We were 20 radio broadcasts together to give more information on the electoral campaign launched today nationwide. And according to the presidential decree issued in April 25, 2020, the electoral campaign will end on May 17, 2020. You will get the news bulletin at 4 p.m. and another edition at 6 p.m. Thank you very much. Yeah. The pleasure is mine. We were together with Philemon Nkurunziza, and I'm honoring and in us. Bye.